Nous sommes au salon du territoire chartreuse et donc le vendredi c'était la journée des élèves, des collèges, des lycées qui faisaient le tour un petit peu de tous les stands. Et là je suis en compagnie de Lucas et Noam. Alors vous venez de quel établissement là, dites-nous tous les deux? De Saint-Bruno. Saint-Bruno, on est sur le secteur de quelle ville là? C'est les Échelles. Les Échelles, ok, ça marche. Donc là vous avez fait le tour ce matin, racontez-nous un petit peu tous les deux ce que vous avez vu et ce qui vous a peut-être intéressé, Noam ou Lucas. Lucas pour commencer peut-être. Bah, on a vu beaucoup de métiers, enfin, et aussi des personnes qui vendaient des trucs artisanales. Et il y avait des bars, des personnes qui nous présentaient leurs métiers. Il y avait les métiers du bois là-bas, au fond, il y a des stands. Est-ce que vous avez vu ces stands-là? Est-ce que ça vous intéressait ça, potentiellement, je sais pas, est-ce que ça vous a inspiré pour plus tard? Non, pas trop, moi, c'est, je veux pas trop travailler dans le bois plus tard. Okay. Est-ce que tu as vu quelque chose ici qui pourrait t'inspirer? Bah. Quelqu'un en fait il faisait les flocages sur les t-shirts ou les kits déco. Les kits déco c'est la plupart pour les motos ou les trucs dans le genre ou les voitures, enfin des trucs comme ça, et ça m'a beaucoup plu. Et c'est vrai qu'il y a plein de producteurs hein, qui sont présents, il y a du fromage, du saucisson, du jambon, enfin il y a tout pour plaire, donc c'est pas mal. Et du coup Noam, toi qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce que tu retiens en fait de ta visite de ce matin avec tes camarades là? La même chose que lui. Bah je sais pas, il y a presque tous les métiers. Il y a plein de métiers, donc le bois c'est pas trop ton truc a priori non plus? Non. Ok, et est-ce que t'as plutôt aimé les métiers de bouche du coup, ceux qui font de la glace, ceux qui présentent leur métier? Non. Du coup qu'est-ce que t'aimerais bien faire plus tard toi? Est-ce que t'as trouvé des pistes ici qui pourraient t'aider? Non, pas encore. Encore, tu sais pas trop ce que t'as envie de faire? Non. T'as le temps de choisir, y a pas de souci. Tiens, on a un nouveau camarade là qui veut parler, ton prénom? Cyprien. Du coup au salon toi qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a intéressé ce matin? J'ai pas vraiment trouvé la spécialité qui m'intéressait parce que moi je suis plutôt dans la mécanique et trucs comme ça. Ah oui, d'accord, mais même la mécanique agricole du coup il y avait pas? Non, pas vraiment. Eh ben bon salon et puis bonne journée. Bonne journée. Merci, vous aussi.